Seconde Thessaloniciens chapitre 3. Au reste, mes frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur ait son cours, et qu'elle soit glorifiée comme elle l'est parmi vous, et que nous soyons délivrés des hommes fâcheux et méchants, car la foi n'est point de tous. Or le Seigneur est fidèle, qui vous affermira, et vous gardera du mal. Aussi nous assurons-nous de vous par le Seigneur, que vous faites et que vous ferez, toutes les choses que nous vous commandons. Or le Seigneur veuille diriger vos cœurs à l'amour de Dieu et à l'attente de Christ. Nous vous recommandons aussi, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de tout frère qui se conduit d'une manière irrégulière, et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous. Car vous savez vous-même comment, il faut que vous nous imitiez, vu qu'il n'y a eu rien d'irrégulier dans la manière dont nous nous sommes conduits parmi vous, et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, travaillant nuit et jour, afin de ne charger aucun de vous. Non que nous n'en ayons bien le pouvoir, mais afin de nous donner nous-mêmes à vous pour modèle, afin que vous nous imitiez. Car aussi, quand nous étions avec vous, nous vous dénoncions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange point aussi. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous, qui se conduisent d'une manière déréglée, ne faisant rien, mais vivant dans la curiosité. Nous dénonçons donc à ceux qui sont tels, et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en travaillant ils mangent leur pain paisiblement. Mais pour vous, mes frères, ne vous lassez point de bien faire. Et si quelqu'un n'obéit point à notre parole, renfermé dans cette épître, faites-le connaître, et ne conversez point avec lui, afin qu'il en ait honte. Toutefois ne le tenez point comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Or le Seigneur de paix vous donne toujours la paix en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. La salutation qui est de la propre main de moi, Paul, et qui est un signe dans toutes mes épîtres, c'est que j'écris ainsi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.